إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد عباد الله شرعنا قبل أسبوع في الكلام على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وذكر شيء من فضائلهن. Ô serviteurs d'Allah, nous avons commencé la semaine dernière à aborder le sujet des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le fait de citer quelques-uns de leurs mérites. Et donc nous avons vu quelques mérites de Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha. فبعد وفاة خديجة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم سودة. Et donc après la mort de Khadija, le prophète صلى الله عليه وسلم a épousé سودة. يقول ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية في ذكر أوصاف سودة يقول رحمه الله وكانت ذات عبادة وورع وزهادتين. Et donc il dit, Ibn Kathir rahimahullah, dans son livre Al-Bidaya wa Nihaya, en citant les caractéristiques de Sauda, il dit, c'était donc une femme qui s'adonnait à l'adoration, qui avait aussi du wara, c'est-à-dire du scrupule religieux, et aussi qui avait en elle aussi de l'ascétisme. فالمعروف أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم موصوفة بالعبادة. Et donc il est connu que les épouses du prophète صلى الله عليه وسلم sont décrites, ont avec elles donc comme caractéristique le fait de s'adonner à l'adoration. Comme on peut le voir dans la parole d'Allah تبارك وتعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala, elle nous dit dans ce verset, et donc il se peut que si celui-ci, donc si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vous divorce, et donc il se peut qu'il va épouser des femmes meilleures que vous. Musulmanes, croyantes, obéissantes, adoratrices, elles se repentent, elles jeûnent, qu'elles soient vierges ou pas. C'est quoi les ahlul ilm? Les gens de science, ils nous disent, فَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُطَلِّقْ نِسَاءَهُ. Et il est connu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas divorcé ses femmes après cela. فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ هَذِهِ الْأَوْصَافِ الْمَذْكُورَةِ مَوْجُودَ فِي نِسَائِهِ وَأَنَّهُنَّ خَيْرُ النِّسَاءِ. Et donc il dit, ils disent les savants, et donc cela montre que ces caractéristiques qui ont été citées dans ces versets, dans ce verset, sont présentes chez les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'elles sont les meilleures épouses. Car s'il y avait meilleur avec ces caractéristiques, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait divorcé ses épouses pour prendre celle-ci. Et Allah lui aurait donné donc ce qu'il y a de meilleur. Et donc parmi les caractéristiques des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le fait qu'elles s'adonnaient à l'adoration, et donc qu'elles faisaient attention à leur temps, elles ne perdaient pas leur temps dans des sujets futiles. Amma al-wara, fa huwa tarku ma qad yadurru fi dunya wal-akhirah. En ce qui concerne le scrupule religieux que Saouda avait, ce qui est voulu par le scrupule religieux, c'est le fait de délaisser ce qui peut te faire du mal, ici-bas ou dans l'au-delà. Ce qui peut te faire du mal, c'est pas sûr. Eh bien, tu le délaisses. Cela s'appelle le scrupule religieux. Et c'est dans cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Da' me yaribouk ila me la yaribouk ». Délaisse ce sur quoi tu doutes pour te tourner vers ce sur quoi tu ne doutes pas. Un sujet, tu doutes, est-ce que c'est halal, haram? Est-ce que c'est halal? Tu le délaisses. Parce que celui-ci, il se peut qu'il te fasse du mal, ici-bas ou dans l'au-delà. Et c'est ça qu'on appelle le scrupule religieux. « Qala ibn Hajar rahimahullah, tarku ma yashukku fihi aslun azimun fil wara. » Le fait de, ibn Hajar rahimahullah, il dit, le fait de délaisser ce dont nous avons un doute est un fondement, est une base essentielle dans le scrupule religieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit inna al-halal bayyin wa inna al-haram bayyin wa baynahuma umurun mushtabihat. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, certes le licite est clair et l'illicite est clair. Il y a entre les deux des sujets qui portent à équivoque, des sujets ambigus. La ya'lamuhunna kathirun min an-nas. Beaucoup de personnes ne connaissent pas ces sujets ambigus. On ne sait pas si c'est halal ou haram. Alors celui qui délaisse les sujets ambigus aura préservé sa religion et son honneur. Il aura préservé son lien entre lui et son Seigneur et aura préservé sa relation entre lui et les gens. Faya alaytana amilna bihad al-hadith. Watarakna ma qad yadurruna. Et donc si seulement nous œuvrons avec ces hadiths, et si seulement on délaissait ce qui peut nous faire du mal. Walil asafi shadid. Anna kathiran min al-muslimin. Min al-rijali wal-nisa. Ya'maluna bima ya'lamuna yaqinan annahu yadurruhum. Et ce qui est malheureux, c'est qu'il y a beaucoup parmi les musulmans, parmi les hommes et les femmes, qui vont accomplir ce dont ils savent avec certitude que cela leur fait du mal, ici-bas ou dans l'au-delà. Et donc il est important qu'on cherche à profiter des caractéristiques des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa amma az-zuhd fa huwa tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Et concernant az-zuhd, et donc az-zuhd, le fait, donc l'ascétisme, c'est le fait de délaisser ce qui n'est pas profitable dans l'au-delà. Le fait de délaisser ce qui n'est pas profitable. Les textes concernant ce sujet sont nombreux. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans son livre, « I'alamu annama al-hayatu d-dunya la'ibu wa lahbu wa zina, wa zinatum wa tafakhurum baynakum, wa takasurum fil amwali wal awlad. » Sachez que la vie d'ici-bas n'est que jeu, ainsi que distraction, ainsi que de viles parures, des parures vaines qui n'ont pas de valeur, ainsi que le fait de vous concurrencer dans l'orgueil, et le fait aussi d'avoir de la rivalité dans l'acquisition des biens et des enfants. Ce n'est la vie de Dunia, ce bas monde, c'est juste ça, c'est juste cela. Comme l'exemple d'une pluie, dont ce qui résulte de cette pluie, va émerveiller toutes les personnes qui travaillent la terre, les cultivateurs. Les gens, ils voient une pluie. Ils sont émerveillés par celle-ci. Ils voient donc toute la végétation qui résulte de cette pluie. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il arrive à cette végétation? Qu'est-ce qu'il arrive à cette végétation? Summa tahiju, fataraha musfarra. Et ensuite, celle-ci, elle va faner. Et va devenir jaune, elle va jaunir. Summa yakunu hifama. Et ensuite, cette végétation devient donc des briques que nous allons jeter. L'exemple de la dunya est semblable à cela. L'exemple de la dunya, c'est quelque chose qui va émerveiller les gens, tromper les gens. Mais au final, ce n'est qu'un débris qui va être jeté par la suite. Et donc ne soyez pas leurrés par ce débris. C'est pour ça qu'il dit, Tabaraka wa ta'ala, wa fil akhirati azabun shadidun wa maghfiratun min Allahi wa ridwan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Mais dans l'au-delà, après que celle-ci soit terminée, cette vie d'ici-bas, eh bien dans l'au-delà, qu'est-ce qu'il y aura? Alors là, il y aura un châtiment douloureux, ainsi que pardon venant d'Allah tabaraka wa ta'ala, et une satisfaction. Mais la vie d'ici-bas n'est qu'une vile jouissance et trompeuse. Et donc il est important, barakallahu fikum, qu'on ne soit pas trompé, qu'on ne soit pas leurré par cette vie d'ici-bas. Voilà pourquoi il nous dit, Allah tabaraka wa ta'ala, Ya ayyuhannasu inna wa'dallahi haqq. Ô gens, hommes et femmes, la vie d'ici, certes la promesse d'Allah est vérité. La promesse d'Allah tabaraka wa ta'ala est vérité, ne doutez pas de celle-ci. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Et donc ne laissez pas la vie d'ici-bas vous tromper. Wala yaghurrannakum billahi al-gharur. Et ne vous laissez pas tromper, ne vous laissez pas leurrer par al-gharur, al-shaytan. Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de nous préserver, il est capable de toutes choses. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الناس إن في أخلاق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عبرا Aux gens, il y a certes dans les caractères, dans les mœurs des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des leçons à tirer pour les hommes et les femmes. Fata'ammalu wa hrisu ala al-amali bi hadhihi al-akhlaq. Et donc méditez et pensez-vous d'œuvrer avec ces comportements, ces caractéristiques. Kanat Sauda bint Zam'a. امرأة عاقلة صابرة تعرف مصالحها سودة بنت زمعة l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam était une femme dotée d'une grande raison qui était aussi dotée d'une forte endurance et d'une grande patience. Elle connaissait, elle savait reconnaître ce qui était un bien pour elle. Et parmi les éléments qui nous montrent cela, qui nous montrent la forte raison qu'avait cette femme, il y a la parole d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima. Fala junaha 'alayhima an yusliha baynahuma sulha. Was-sulhu khayr wa uhdiratil anfusu shuh. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّكُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. Et lorsqu'une femme a peur que son époux la délaisse et s'éloigne d'elle, alors il n'y a pas de mal à ce que les deux trouvent un accord et se réconcilient. Et certes, la réconciliation, le fait de trouver un accord est bien mieux, ce qui est voulu, c'est que c'est bien mieux que la séparation. Ayyuhannas, al-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam basharun, yusibuhu ma yusibu ghayrahu min al-bashar. Ô mes frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un être humain qui était touché par ce qui touchait les êtres humains. Falamma kaburat sauda, أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها. Lorsque Sauda est devenu âgé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu se séparer d'elle. الرجل يجوز له أن يترك لا يجوز له أن يترك امرأته لا يقربها فإن كان لا يرغب فيها فجاز له طلاقها كما أنها إن كانت لا تحبه جاز لها طلاب الخلع. Et donc l'homme, il n'a pas le droit de laisser sa femme comme cela sans l'approcher. Il n'a pas le droit. Et si l'homme ne désire plus son épouse et qu'il a peur d'être injuste envers elle, alors il lui est permis de se séparer d'elle. De la même manière que la femme, si elle n'aime pas son époux, alors il lui est permis de demander le khul quand elle a peur de tomber dans l'injustice. Comme on le voit clairement dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Sauda, qui était dans cette situation et qui est une femme qui était dotée d'une grande raison, talabat min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an la yufariqaha wa tatruku laylataha li'Aisha radiyallahu anha. Et donc cette femme, elle était dans cette situation. Elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas se séparer d'elle, mais qu'elle laissait sa nuit à Aïcha radiyallahu anha. Elle laissait toutes ses nuits à Aïcha radiyallahu anha. Elle a donc fait ce sacrifice pour rester avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. لِأَنَّهَا تَعْرِفُ مَصْلَحَتَهَا. Car elle connaît où est le bien pour elle. تَعْرِفُ أَنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَفْضَلِ سِنِّهَا. Elle sait très bien qu'au jour, يوم القيامة, lorsqu'elle plaît à son Seigneur, tabaraka wa ta'ala, qu'elle meurt parmi les épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors au jour de la résurrection, elle retournera avec son époux, avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au plus beau de son âge, au plus bel âge qu'elle avait. Cette femme connaissait où était le bien pour elle. Où sommes-nous de tout cela? Khassatan fi hadhihi al-azmina allati kathura fiha at-talaq. Particulièrement à notre époque, dans laquelle il y a énormément de divorces. Où sont ceux qui pensent au bien? Où sont ceux qui font les causes pour que leur couple perdure, pour qu'ils puissent retourner dans l'au-delà avec leurs épouses et leurs époux? Où sont-ils? Où sont les causes? Où sont les causes de réconciliation? فهذه المرأة كانت سببا لنزول آيات الإصلاح بين الزوجين. Et donc cette femme a été la cause de la révélation du verset concernant la réconciliation entre les époux. والصلح خير. Et la réconciliation est meilleure. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous faciliter à tous d'accomplir les causes de réconciliation entre les musulmans et les musulmanes. Certes, Allah tabaraka wa ta'ala est capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa aqimus salat.